on a faim de ses ragots, de ses propos de caniveau vomis sur les réseaux. Et l'on a soif de ce mépris, de ce jus de prêt-à-penser vissé sur le parvis. Vissé sur le parvis. Alors on gobe, gobe, gobe les ragots, les bons ragots. Sur les réseaux, on lèche, lèche, lèche le mépris. Tout ce mépris, puis c'est sur le permis. Faut dire qu'il fait référence. On se complaît à imiter les toutes dernières tendances. Comment rirait se comporter en société dans tout le coin de France, de noir routier. Je ne sais comment l'on pourrait s'en passer de ces pipes et ces pipoles, ces pipoles s'en passer de ces pipes et ces pipoles, ces pipoles. Ces pipoles, nous en serons.